Au Gabon, des pourparlers nationaux en prélude aux élections à venir. Nous vous disons tout dans ce numéro. Alors que les élections présidentielles, législatives et même locales approchent au Gabon en août 2023, des pourparlers politiques s'ouvrent ce lundi 13 février 2023 à Libreville. C'est principalement dans le but d'éviter une crise diplomatique ainsi que le bilan mortel qu'il y a eu en 2016 qu'a eu lieu cette concertation qui aborde des aspects fondamentaux tels que la loi électorale, les fonds de campagne ou encore des procès-verbaux vidéo. Si les dialogues nationaux n'ont qu'une valeur consultative, la décision de l'Union européenne de ne pas envoyer de représentants pour surveiller au Gabon a été bien annoncée par les représentants de l'Union européenne en question. Afrique Média, le monde, c'est nous.